Chapitre 8. Je n'aime pas les raïs. Ils n'ont aucun sens esthétique. Mère Winry la Vallonne. Björn avait renoncé à se laisser pousser la barbe. Il achevait de se raser en se justifiant auprès d'un Salim Goguenard. « Vois-tu, mon garçon, les poils piquent atrocement, ne tiennent pas vraiment chaud et nuisent à mon charme en cachant mes traits fiers et virils. » Salim éclata de rire avec tant d'entrain que le chevalier sursauta et s'entailla la joue avec la lame de son rasoir. « C'est malin » râla-t-il. « Comment veux-tu que les jolies frontalières me considèrent à ma juste valeur si je me présente défigurée ?»« Pas de souci, Björn, pas de souci !» répondit Salim qui avait du mal à se calmer. « Tu es si laid que... » Barbu ou pas, balafré ou non, les filles de la citadelle feront des cauchemars pendant des siècles. « Tu es jaloux, » riposta le chevalier. « Voilà tout. » Maniel, qui assistait à l'affrontement en souriant, assis dans un fauteuil, les pieds sur une table basse, intervint. « Je te préférais barbu, » déclara-t-il. « Tu crois ?» s'étonna Björn. « Bien sûr. Les vilaines choses, moins on les voit, mieux on se porte. » Björn, vexé, tourna le dos à ses amis. « Des envieux, » marmonna-t-il, « rien d'autre. Un abo qui croit avoir de l'esprit et une espèce d'armoire à glace stupide. » Salim s'apprêtait à répliquer lorsqu'on frappa à leur porte. Maître Douaume entra sans attendre de réponse et se campa devant eux. Il avait fière allure dans un bel habit de velours vert et se tenait droit comme un i. « Comment ? » s'exclama-t-il. « Pas encore prêt ?» Je vous rappelle que le seigneur Ander Tililan nous accorde une audience solennelle avant le banquet prévu pour fêter la libération des sentinelles et la victoire proche. Ce personnage légendaire ne le cède en importance qu'à l'empereur. Manquer de ponctualité constituerait une insulte grave, même si ce ne serait pas étonnant de la part d'ours mal léchés comme vous. Björn profita de ce que l'analyste reprenait son souffle pour intervenir. Nous sommes prêts, cria-t-il. Nous vous suivons. Maître Douaume fronça les sourcils. « Tu t'es rasé ?» remarqua-t-il. « Drôle d'idée. Je crois que tu étais moins laid avec la barbe. » Salim laissa échapper un gloussement de joie qui lui attira un regard furibond de l'analyste. « J'espère que tu sauras te tenir, jeune homme, » l'admonesta-t-il. « Les frontaliers ont un sens strict des convenances et un code d'honneur très rigoureux. » Si tu joues à l'impertinent, tu seras défié en duel en moins de temps qu'il n'en faut à une idée pour traverser ta cervelle atrophiée. Compris ? Compris, chef ! Se moqua Salim. Maître Douaume leva les yeux au ciel, puis se tourna vers Maniel. Tu es de loin le plus sensé des trois. Je te charge de veiller sur eux. J'ai assez de soucis avec l'inévitable confrontation entre Ewilan et Elear Ilmorienval sans avoir à m'occuper de garnements mal élevés. Maintenant, on y va ! Sur ces mots, il tourna les talons et s'engagea dans le couloir. Salim attrapa Björn par la manche. Des duels ? Il blaguait, non ? Non, bonhomme. Les marches du Nord sont un territoire sauvage, dangereux, à l'image de ceux qui y vivent. J'ai toujours entendu dire que les frontaliers avaient un sens de l'humour rudimentaire et qu'ils réglaient fréquemment leurs différends à coups de sabre. Salim siffla doucement. Camille risque d'être provoquée en duel ? Elear Ilmorienval a des amis dans la citadelle, des gens qui risquent de ne pas apprécier qu'on la remette en question. Mais c'est une traîtresse! Tout le monde le sait! Faux, la plupart des Alaviriens l'ignorent. De plus, en rétablissant les sentinelles dans leurs fonctions, Silafian a implicitement signifié qu'il pardonnait leur défection. Les frontaliers n'accepteront jamais que quelqu'un discute une décision de l'empereur. Salim s'apprêtait à protester. Lorsque Maniel le poussa hors de la chambre. Avance ! Si nous arrivions en retard, Maître Douaume serait capable de dire que c'est ma faute. Les trois amis empruntèrent les couloirs de la citadelle en veillant à ne pas s'écarter du parcours qu'ils connaissaient. Salim s'imaginait arpenter un château fort. Même si les immenses baies vitrées, les structures métalliques et la décoration n'avaient strictement rien à voir avec la France du Moyen-Âge. Il avait enfin découvert un type de construction qui mélangeait allègrement ses connaissances historiques et son goût pour le fantastique. Il était aux anges. Ils retrouvèrent leurs compagnons dans la salle d'apparat. La pièce était aussi vaste que le pont d'un navire et d'énormes piliers de marbre rose soutenaient un plafond tout en voûte. Le sol, une unique dalle de cristal translucide, laissait voir, une dizaine de mètres plus bas, un profond bassin d'eau limpide. Des poissons multicolores, certains longs de plus d'un mètre, y nageaient paisiblement. Salim eut du mal à en détacher son attention. Malgré la présence de plusieurs douzaines de personnes, le sol était parfaitement propre et on avait l'impression de flotter dans les airs. À l'extrémité de la salle, un tigre de jade soutenait un trône taillé dans un bois précieux, aux veinures dorées. Le seigneur Ander Tililan y était assis. Son extraordinaire ressemblance avec Edwin frappa Salim d'étonnement. Il possédait les mêmes traits tout en méplats, les mêmes yeux gris acier, la même stature. Le seigneur frontalier portait l'armure de cuir de son peuple, et s'il paraissait très âgé, il n'en était pas moins impressionnant de force et de charisme. Debout, Camille et Edwin lui faisaient face, tandis qu'Elana et Maître Douhom se tenaient un peu en retrait, au milieu d'un groupe de frontaliers. Salim se serait faufilé jusqu'à son ami si Elana ne l'avait fermement attrapé par l'épaule. « Tiens-toi correctement, petit monstre !» lui souffla-t-elle sur un ton menaçant. Ander Tililan se leva, alors que deux personnes dissimulées dans l'ombre du trône faisaient un pas en avant. « C'est elle !» murmura Salim à l'oreille de la marchombre. « Voici la femme qui a trahi les parents de Camille. L'homme près d'elle est également une sentinelle. Je l'ai vue à Alpaul. » Camille aussi avait aperçu Eleharil Morienval. Les yeux de la femme se rivèrent dans les siens. Et doucement, un sourire naquit sur ses lèvres. Il était si plein de morgue que Camille sursauta. Elle exécra soudain cet être odieux. Elle serra les poings en se remémorant les explications d'Edwin. La citadelle était l'équivalent d'un yatu. L'imagination n'y était pas accessible. Pourtant, à cet instant précis, rien ne l'aurait davantage comblé que dessiner un seau d'eau glacée pour le déverser sur la tête de la sentinelle. Le seigneur des frontaliers acheva son discours et des applaudissements parcoururent l'assemblée. Camille prit conscience qu'elle n'avait rien écouté. Elle jeta un coup d'œil circulaire et se rasséréna en constatant que personne n'attendait qu'elle prenne la parole. Comme si elle avait perçu son trouble, Eleharil Morienval sourit plus largement. Elle se pencha et murmura une phrase à l'oreille de son voisin qui eut un léger rire. La foule entoura Edwin pour le féliciter et Salim rejoignit Camille. « Tu as vu ? » s'indigna-t-elle. « Comment ce serpent m'a dévisagée ? » « Ne t'occupe pas d'elle pour l'instant, » tempéra-t-il. « Je lui réglerai son compte plus tard. »« Tu deviens prétentieux ?» remarqua Camille. « Comment vas-tu t'y prendre ?»« Je n'y ai pas réfléchi, » admit Salim. « Mais ce n'est pas un problème. Je peux trouver 50 moyens en 10 secondes. N'oublie pas que pendant mon absence, j'ai vécu avec une marchombre. »« Une absence de 3 jours, Salim, au lieu des 3 ans prévus. » Je suppose qu'Elana, même avec un élève brillant comme toi, a dû restreindre ses ambitions. Ne sois pas aussi sceptique, protesta-t-il. Regarde. Il effleura le bras de Camille d'un geste à la fois doux et rapide, et après avoir prolongé le suspense une poignée de secondes, ouvrit la main. Mais c'est ma bourse ! S'étonna Camille. Alors, ma vieille, railla Salim, tu doutes encore de moi ? Plus du tout. Admit-elle de bonne grâce. Tu es un professionnel, je le reconnais. Un détail toutefois, dans cette bourse, il y a la sphère Graf Tzlich. Tu as toujours cette horreur ? Grimaça Salim. Qu'est-ce que tu attends pour t'en débarrasser ? Elle ne te sert à rien. Qui sait, Salim, qui sait ? Bjorn arriva à cet instant. Il passa ses bras sous ceux des adolescents pour les entraîner. « Le banquet de bienvenue est servi dans la salle d'à côté, » annonça-t-il. « Je viens de repérer les lieux. Et Willan, tu as l'honneur de t'asseoir à la droite du seigneur Tililan. Tu seras loin de nous. Ne t'inquiète pas, je veillerai à ce que Salim ne mange pas avec les doigts. » Il poursuivit en prenant une pose avantageuse. « Dis-moi, jeune fille, comment me trouves-tu sans la barbe ?»« Charmant, Bjorn, tout à fait charmant. » Le chevalier éclata de rire, et asséna à Salim une bourrade qui faillit le projeter au sol. « Et voilà, bonhomme !» s'exclama-t-il. « La vérité retrouve ses droits !» les dimensions de la salle de banquet avoisinaient celles de la salle d'apparat. La table centrale, longue de presque 20 mètres, et recouverte de victuailles plus appétissantes les unes que les autres, était impressionnante. Edwin s'approcha de Camille. « Une fête exceptionnelle, » expliqua-t-il un peu gêné. « Habituellement, les frontaliers sont beaucoup plus sobres. » Elle hocha la tête et s'avança vers la place qui lui était réservée, regrettant de devoir se séparer de ses amis. Seul Edwin lui faisait face. Eléaril Morienval se glissa près de lui et adressa à Camille un sourire outrancier. La jeune fille frémit. Le comble fut atteint lorsque l'autre sentinelle se plaça à sa droite. Edwin l'encouragea d'un clin d'œil, mais cela ne la réconforta qu'à moitié. Le seigneur Tililan fit un geste ample de la main et les invités s'assirent. Lui resta debout et, appuyant ses poings sur la table, se pencha vers l'assemblée. « Amis !» lança-t-il d'une voix forte. « Nous fêtons aujourd'hui un événement exceptionnel. La victoire sur les Raïs, nos ennemis de toujours. Nous, frontaliers, avons fait notre devoir. Nous avons combattu sans trêve et sans peur. Mais ce triomphe ne nous appartient pas. C'est celui d'Ewilan Gilsayan et de nos fidèles sentinelles. Portons un toast en leur honneur. » Donnant l'exemple, le patriarche leva sa lourde chope de verre au-dessus de sa tête. Les convives l'imitèrent en approuvant bruyamment. Lorsque le calme fut un peu revenu, la sentinelle assise près de Camille se dressa à moitié. « Seigneur, Holtzkilmuirt !» s'exclama le patriarche. « Tu as la parole, nous t'écoutons, car ta sagesse est grande et nous te devons la liberté. » La sentinelle acquiesça d'un signe de tête et attendit le silence complet pour parler. « Je tiens à vous remercier !» commença l'homme. « Votre reconnaissance nous va droit au cœur. Œuvrer avec des guerriers aussi fiers que les frontaliers pour le bien de l'Empire est un honneur que beaucoup nous envient. Je dois cependant, en toute humilité, corriger une de vos paroles. Tout le mérite de la victoire vous revient. Nous, sentinelles, portons en partie la responsabilité de la situation périlleuse dans laquelle se trouvait Gwendalavir. L'empereur et vous-même avez eu la grandeur d'âme de nous pardonner nos errements, et je tiens à vous renouveler ici notre complète allégeance. » Ander Tililan hocha la tête avec satisfaction. « Vous avez, seigneur, reprit Holtzkilmuirt, mentionné les sentinelles, comme si elles avaient toutes participé à la bataille. Or, c'est faux. Seules 10 d'entre elles ont combattu les Raïs. Seules 10 d'entre elles ont contré les stratagèmes Slish. Seules 10 d'entre elles se sont dressées à vos côtés. À ma grande honte, 2 ont été suffisamment veules pour fuir le combat, pour se terrer, pour se déshonorer. Leur fille a contribué à sauver l'Empire, mais Altan et Elysia Gilsayan sont des lâches indignes d'être cités ici. » Une explosion de verre retentit. Camille venait d'écraser sur la pommette de Holtzkilmuirt la lourde chope qu'elle tenait dans son poing crispé. Sous l'impact, l'homme poussa un cri de douleur et bascula en arrière. Des cris éclatèrent et de nombreuses personnes se levèrent. L'orateur se redressa. Une vilaine coupure barrait sa joue, mais il souriait. Le seigneur Tililan poussa une clameur sauvage et le brouhaha retomba pour laisser place à un silence presque complet. La voix de Holtzkilmuirt résonna dans la salle, suintante de haine. « Mon honneur a été piétiné. Il ne peut être lavé que dans le sang. J'exige un duel. »« C'est impossible !» Edwin avait crié, le visage déformé par la colère. « Tu as volontairement insulté Willan en bafouant ses parents. » Nul ne sait avec certitude ce qui advint il y a 7 ans, quand tu as trahi. Mais leur loyauté est au-dessus de tout soupçon, tu le sais très bien. Tu es un serpent, mais ta perfidie est vouée à l'échec. Et Willan est une enfant, elle ne peut être provoquée en duel. » Eléaril Morienval prit la parole sur un ton doux comme une feuille de soie et tranchant comme un rasoir. « Peut-on vraiment dire d'une jeune fille qui siège à la droite du seigneur de la citadelle ? D'une jeune fille qui a vaincu le gardien d'Alpôle, qui a oxy un mentail, qu'elle est encore une enfant ?» L'argument frappa l'assemblée comme une masse. Edwin blêmit et se tourna vers Ander Tililan. « Père !» Le vieillard paraissait abattu, mais lorsqu'il releva la tête, sa décision était prise. Altan et Licia sont des justes, j'en conviens, Edwin. Et je désapprouve totalement ce duel. Il poursuivit en fixant son fils. Mais je ne peux l'interdire. Notre loi est sans appel. Les propos de Holtz, Kilmurt ont beau être empreints de fourberie, le geste des Whelan constitue une agression irrémissible. Le duel aura lieu ce soir, dans la haute prairie. Des exclamations s'élevèrent, mais lorsqu'Edwin abattit son poing sur la table, le silence revint, absolu. Il planta ses yeux dans ceux de la sentinelle. « Tuer un être vil !» articula-t-il. « Plus abject qu'un slish. Tu périras sous ma lame, je le jure sur la mémoire de mes ancêtres !» La sentence tomba comme un couperet. Holskilmuirt devint livide, mais il conserva son sourire. Les regards se tournèrent alors vers Camille. Elle se sentait maintenant sereine. « Mes parents n'ont pas trahi !» annonça-t-elle d'une voix claire et haute. « Je le sais, comme vous le savez tous. Je suis persuadée qu'ils vivent encore, même si j'ignore où ils se trouvent. Je veux rester digne d'être leur fille. Aussi, je ne me déroberai pas à ce duel. Sachez toutefois que vous abritez des monstres parmi vous qui continuent à manigancer dans l'ombre. Prenez garde, frontaliers, ils cherchent votre perte !»